Chapitre 29 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 29 de la modération. Comme si nous avions l'attouchement infect, nous corrompons par notre maniement les choses qui, d'elles-mêmes, sont belles et bonnes. Nous pouvons saisir la vertu de façon qu'elle en deviendra vicieuse, si nous l'embrassons d'un désir trop âpre et violent. Ceux qui disent qu'il n'y a jamais d'excès en la vertu, d'autant que ce n'est plus vertu si l'excès y est, se jouent des paroles « Insani sapiens nomen ferat ». Ecus iniqui ultra quam satis est virtutem si petat ipsam. C'est une subtile considération de la philosophie. On peut et trop aimer la vertu et se porter excessivement en une action juste. À ce biais s'accommode la voix divine. Ne soyez pas plus sage qu'il ne faut, mais soyez sobrement sage. J'ai vu tel grand blesser la réputation de sa religion pour se montrer religieux outre tout exemple des hommes de sa sorte. J'aime des natures tempérées et moyennes. L'immodération vers le bien même, si elle ne m'offense, elle m'étonne, et me met en peine de la baptiser. Ni la mère de Pausanias, qui donna la première instruction et porta la première pierre à la mort de son fils, ni le dictateur Postumius, qui fait mourir le sien, que l'ardeur de jeunesse avait heureusement poussé sur les ennemis un peu avant son rang, ne me semble si juste comme étrange, et n'aime ni à conseiller ni à suivre une vertu si sauvage et si chère. L'archer qui outrepasse le blanc faut comme celui qui n'y arrive pas, et les yeux me troublent à monter à coups vers une grande lumière, également comme à dévaler à l'ombre. Calliclès, en Platon, dit l'extrémité de la philosophie être dommageable, et conseille de ne s'y enfoncer outre les bornes du profit, que prise avec modération, elle est plaisante et commode, mais qu'enfin elle rend un homme sauvage et vicieux, dédaigneux des religions et lois communes, ennemi de la conversation civile, ennemi des voluptés humaines, incapable de toute administration politique, et de secourir autrui, et de se secourir soi-même, propre à être impunément souffleté. Il dit vrai, car en son excès, elle esclave notre naturelle franchise, et nous dévoie, par une importune subtilité, du beau et plein chemin que nature nous trace. L'amitié que nous portons à nos femmes, elle est très légitime. La théologie ne laisse pas de la brider pourtant et de la restreindre. Il me semble avoir lu autrefois chez saint Thomas, en un endroit où il condamne les mariages des parents et de gré défendu, cette raison parmi les autres, qu'il y a danger que l'amitié qu'on porte à une telle femme soit immodérée. Car si l'affection maritale s'y trouve entière et parfaite comme elle doit, et qu'on la surcharge encore de celle qu'on doit à la parentèle, il n'y a point de doute que ce surcroît n'emporte un tel mari hors les barrières de la raison. Les sciences qui règlent les mœurs des hommes, comme la théologie et la philosophie, elles se mêlent de tout. Il n'est action si privée et secrète qui se dérobe de leurs connaissances et juridictions. Bien apprentis sont ceux qui syndiquent leur liberté. Ce sont les femmes qui communiquent tant qu'on veut leurs pièces à garçonner. À médeciner, la honte le défend. Je veux donc, de leur part, apprendre ceci au mari, s'il s'en trouve encore qui y soit trop acharné. C'est que les plaisirs même qu'ils ont à l'acquaintance de leurs femmes sont reprouvés si la modération n'y est observée, et qu'il y a de quoi faillir en licence et débordement en ce sujet-là comme en un sujet illégitime. Ces enchérissements déshontés que la chaleur première nous suggère en ce jeu sont non indécemment seulement, mais dommageablement employés envers nos femmes. Qu'elles apprennent l'impudence au moins d'une autre main, elles sont toujours assez éveillées pour notre besoin. Je ne m'y suis servi que de l'instruction naturelle et simple. C'est une religieuse liaison et dévote que le mariage. Voilà pourquoi le plaisir qu'on en tire se doit être un plaisir retenu, sérieux et mêlé à quelque sévérité. Ce doit être une volupté aucunement prudente et consciencieuse. Et parce que sa principale fin, c'est la génération, il y en a qui mettent en doute si, lorsque nous sommes sans l'espérance de ce fruit, comme quand elles sont hors d'âge ou enceintes, il est permis d'en rechercher l'embrassement. C'est un homicide à la mode de Platon. Certaines nations, et entre autres la Mahométane, abominent la conjonction avec les femmes enceintes, plusieurs aussi avec celles qui ont leurs fleurs. Zénobia ne recevait son mari que pour une charge, et cela fait, elle laissait courir tout le temps de sa conception, lui donnant lors seulement loi de recommencer. Brave et généreux exemple de mariage. C'est de quelques poètes disserteux et affamés de ce déduit que Platon emprunta cette narration, que Jupiter fait à sa femme une si chaleureuse charge un jour que, ne pouvant avoir patience qu'elle eût gagné son lit, il la versa sur le plancher, et par la véhémence du plaisir, oublia les résolutions grandes et importantes qu'il venait de prendre avec les autres dieux en sa cour céleste, se vantant qu'il avait trouvé aussi bon ce coup-là que lorsque premièrement il la dépucela à cachette de leurs parents. Les rois de Perse appelaient leurs femmes à la compagnie de leurs festins, mais quand le vin venait à les échauffer en bon escient et qu'il fallait tout à fait lâcher la bride à la volupté, ils les renvoyaient en leur privé pour ne les faire participantes de leurs appétits immodérés et faisaient venir en leur lieu des femmes auxquelles ils n'eussent point cette obligation de respect. Tout plaisir et toute gratification ne sont pas bien logés en toutes sortes de gens. Épaminondas avait fait emprisonner un garçon débauché. Pélopidas le pria de le mettre en liberté en sa faveur. Il l'en refusa et l'accorda à une sienne garce qui aussi l'en pria, disant que c'était une gratification due à une amie, non à un capitaine. Sophoclès, étant compagnon en la préture avec Périclès, voyant de cas de fortune passer un beau garçon, « Oh, le beau garçon que voilà !» dit-il à Périclès. « Cela serait bon à un autre qu'à un prêteur, lui dit Périclès, qui doit avoir non les mains seulement, mais aussi les yeux chastes. » Aelius Verus, l'empereur, répondit à sa femme, comme elle se plaignait de quoi il se laissait aller à l'amour d'autres femmes, qu'il le faisait par occasion consciencieuse, d'autant que le mariage était un nom d'honneur et dignité, non de folâtre et lascive concupiscence. Et notre histoire ecclésiastique a conservé avec honneur la mémoire de cette femme qui répudia son mari pour ne vouloir seconder et soutenir ses attouchements trop insolents et débordés. Il n'est, en somme, aucune si juste volupté en laquelle l'excès et l'intempérance ne nous soient reprochables. Mais à parler en bon escient, est-ce pas un misérable animal que l'homme? À peine est-il en son pouvoir, par sa condition naturelle, de goûter un seul plaisir entier et pur, encore se met-il en peine de le retrancher par discours. Il n'est pas assez chétif si par art et par étude il n'augmente sa misère. Fortunae miseras auximus arte vias. La sagesse humaine fait bien sottement l'ingénieuse de s'exercer à rabattre le nombre et la douceur des voluptés qui nous appartiennent. Comme elle fait favorablement et industrieusement d'employer ses artifices à nous peigner et farder les mots et en alléger le sentiment. Si j'eusse été chef de part, j'eusse pris autre voie plus naturelle, qui est à dire vraie, commode et sainte, et me fusse peut-être rendu assez fort pour la borner. Quoique nos médecins spirituels et corporels, comme par complot fait entre eux, ne trouvent aucune voie à la guérison, ni remède aux maladies du corps et de l'âme, que par le tourment, la douleur et la peine. Les veilles, les jeûnes, les erres, les exils lointains et solitaires, les prisons perpétuelles, les verges et autres afflictions ont été introduites pour cela. mais en telle condition que ce soit véritablement affliction et qu'il y ait de l'aigreur poignante, et qu'il n'en advienne point, comme à un galiot, lequel ayant été envoyé en exil en l'île de Lesbos, en fut averti à Rome qu'il s'y donnait du bon temps, et que ce qu'on lui avait enjoint pour peine lui tournait à commodité, par quoi ils se ravisèrent de le rappeler près de sa femme et en sa maison, et lui ordonnèrent de s'y tenir pour accommoder leur punition à son ressentiment. Car à qui le jeûne aiguiserait la santé et l'allégresse, à qui le poisson serait plus appétissant que la chair, ce ne serait plus recette salutaire. Non plus qu'en autre médecine, les drogues n'ont point d'effet à l'endroit de celui qui les prend avec appétit et plaisir. L'amertume et la difficulté sont circonstances servant à leur opération. Le naturel qui accepterait la rhubarbe comme familière en corromprait l'usage. Il faut que ce soit chose qui blesse notre estomac pour le guérir. Et ici faut la règle commune que les choses se guérissent par leur contraire, car le mal y guérit le mal. Cette impression se rapporte aucunement à cette autre si ancienne de penser gratifiée au ciel et à la nature par notre massacre et homicide qui fut universellement embrassée en toute religion. Encore du temps de nos pères, Amurat, en la prise de l'isthme, immola 600 jeunes hommes grecs à l'âme de son père, afin que ce sang servît de propitiation à l'expiation des péchés du trépassé. Et en ces nouvelles terres découvertes en notre âge, pures encore et vierges au prix des nôtres, l'usage en est aucunement reçu partout. Toutes leurs idoles s'abreuvent de sang humain, non sans divers exemples d'horribles cruautés. On les brûle vifs, et de mi-rôtis on les retire du brasier pour leur arracher le cœur et les entrailles. À d'autres, voire aux femmes, on les écorche vives, et de leur peau ainsi sanglante, en revêtant et masque d'autres. Et non moins d'exemples de constance et de résolution, car ces pauvres gens sacrifiables, vieillards, femmes, enfants, vont quelques jours avant quêtant eux-mêmes les aumônes pour l'offrande de leur sacrifice et se présentent à la boucherie, chantant et dansant avec les assistants. Les ambassadeurs du roi de Mexico, faisant entendre à Fernand Cortés la grandeur de leur maître, après lui avoir dit qu'il avait 30 vassaux desquels chacun pouvait assembler 100 000 combattants et qu'il se tenait en la plus belle et forte ville qui fût sous le ciel, lui ajoutèrent qu'il avait à sacrifier aux dieux 50 000 hommes par an. De vrai, ils disent qu'ils nourrissaient la guerre avec certains grands peuples voisins, non seulement pour l'exercice de la jeunesse du pays, mais principalement pour avoir de quoi fournir à ces sacrifices par des prisonniers de guerre. Ailleurs, en certains bourgs, pour la bienvenue du dit Cortés, ils sacrifièrent 50 hommes, tout à la fois. Je dirai encore ce compte. Aucun de ces peuples, ayant été battus par lui, envoyèrent le reconnaître et rechercher d'amitié. Les messagers lui présentèrent 3 sortes de présents, en cette manière. « Seigneur, voilà 5 esclaves. Si tu es un dieu fier, qui te pèse de chair et de sang, mange-les, et nous t'en amèrerons davantage. Si tu es un dieu débonnaire, voilà de l'encens et des plumes. Si tu es homme, prends les oiseaux et les fruits que voici. » Fin du chapitre 29.